existait-il, et existe-t-il peut-être encore, une organisation clandestine internationale régnant en secret sur nos destinées, faisant et défaisant les gouvernements, décidant des principaux événements du monde? La question n'est pas aussi saugrenue qu'il y paraît. Nombreux sont les gens qui, cédant à la tentation de la complotite, croient à l'existence de cette mystérieuse société secrète, aux États-Unis principalement, mais aussi chez nous. Autrefois, cette pieuvre portait un nom, la synarchie. Mythe ou réalité, la synarchie aurait été l'expression d'une conspiration permanente menée par quelques élites intellectuelles, politiques ou économiques. À l'origine, M. X l'a expliqué la semaine dernière, il y avait un Français, le marquis Saint-Yves d'Alvèdre, ce passionné d'ésotérisme qui prétendait appartenir à une caste de grands initiés, a publié à la fin du XIXe siècle plusieurs ouvrages prônant la création d'un pacte synarchique, une sorte de contrat entre les principaux pouvoirs qui conduirait un gouvernement harmonieux. Bref, une révolution par le haut, sans désordre dans la rue. Les écrits hermétiques de Saint-Yves ont suscité une abondante littérature dans les milieux occultistes, mais n'ont débouché sur aucun projet politique sérieux. Mais soudain, lors de la révélation du complot de la cagoule à la veille de la guerre de 39-40, on prétend que les conspirateurs agissaient à l'instigation de la synarchie, une instance secrète regroupant des industriels et des hauts fonctionnaires. Aussitôt, les communistes accusent les représentants des 200 familles, tandis que l'extrême droite dénonce les ploutocrates judéo-maçonniques et le capitalisme anglo-saxon. La question rebondit sous le régime de Vichy. D'anciens cagoulards affirment avoir été abusés par les synarques qui accusent maintenant ces derniers de saboter la révolution nationale de Pétain et d'avoir pris en main la réalité du pouvoir. Des noms de ministres sont prononcés, des rapports confidentiels circulent, la presse de la collaboration produit même un exemplaire du pacte synarchique. Le maréchal lui-même semble ne pas douter de l'existence de la synarchie. Le maréchal, mais aussi, nous a dit M. X, ses adversaires à Londres, à Washington. Les services secrets s'interrogent. Et désormais, le spectre de la synarchie va ressurgir régulièrement lors des soubresauts de notre histoire, à tel point que certains pensent aujourd'hui que le dernier avatar de la synarchie s'appelle la mondialisation. On aurait pu penser qu'à la fin de la guerre, la page de la synarchie aurait été définitivement tournée. Oui, avec la fin du vichisme, c'est ça. Et de tous ceux qui étaient censés incarner la synarchie. Oui, ces fameux ministres technocrates, là, c'est ça. Par exemple. Et pourtant, c'est exactement le contraire qui se passe. Car de nombreux résistants sont persuadés que toutes les têtes de l'hydre n'ont pas été coupées et qu'elles sont prêtes à repousser à la première occasion. Mieux, ces résistants soupçonnent la résistance d'être infiltrée par la synarchie. Oui. Mais est-ce que ça... un rapport avec le fait que certains cagoulards avaient rejoint le combat de la France libre? Non, c'est probable. Mais ça montre surtout que les gens qui avaient initié, organisé la campagne contre la synarchie avaient été particulièrement efficaces. Puisque même ceux qui avaient été leurs adversaires les plus résolus y croyaient. Et d'ailleurs, il faut le souligner, ce sont les communistes qui donnent le là. Bon, ça me semble logique, puisqu'avant-guerre, ils avaient déjà dénoncé ce qu'ils appelaient les 200 familles. Vous avez raison, mais il n'empêche que la violence de l'attaque surprend. Les communistes, rappelons-le, sont alors associés au gouvernement issu de la Libération. Oui, mais que disent-ils exactement? Ils soutiennent que la synarchie, qu'ils présentent comme une franc-maçonnerie capitaliste et réactionnaire, sabote le redressement économique de la France et continue à conspirer contre la démocratie renaissante. Comme avant la guerre, cette même synarchie avait fait en sorte de provoquer la chute du Front populaire. Au fond, les communistes, là, sont dans leur rôle. D'accord. Enfin, avouez qu'il est curieux de voir les communistes reprendre à peu près les mêmes arguments que les collaboudiers. Hein. Car eux aussi accusent ce malheureux Jean Coutreau, ce polytechnicien qui, après avoir conseillé le ministre de l'économie du Front populaire, a été désigné en 1941, après son suicide, comme étant le principal animateur de la synarchie. Et attendez, à votre avis, les communistes croient sincèrement à la réalité du complot synarchique? Où s'en servent-ils uniquement à des fins de propagande? Bon, écoutez, je n'assistais pas aux réunions du bureau politique du PCF. Mais sans doute, vous avez bien l'idée, non? Mais franchement, je pense que les dirigeants communistes de l'époque ne croyaient nullement à l'existence de la synarchie, mais ça leur permettait de régler des comptes et surtout de mettre en difficulté leurs alliés gouvernementaux, c'est-à-dire les socialistes et les démocrates chrétiens. Et le général de Gaulle? Évidemment, le général dont ils critiquaient déjà la pratique personnelle du pouvoir et qu'ils accusaient aussi, à demi-mot, d'être entouré d'anciens cagoulards. Enfin, pour être tout à fait exhaustif, il faut dire également que les communistes ne sont pas les seuls à dénoncer la conspiration synarchique. Qui alors ? Des hommes généralement situés à gauche, des radicaux, des socialistes. Ils sont plusieurs, dont j'ai oublié les noms, à publier des ouvrages sur la synarchie, qui serait, affirme-t-il, une organisation fasciste secrète. Ce qui est amusant, c'est que ces auteurs reprennent dans leur argumentation des informations trouvées dans des rapports de police ou dans des documents publiés à l'instigation des cagoulards anti-synarques. Comme cette note là du docteur Martin envoyée au maréchal Pétain. Oui, d'autres voient là la main des jésuites et du Vatican derrière la synarchie. Pas de corrige, c'est ça. C'est une façon d'attaquer la démocratie chrétienne. Mais bon, tout ça ne vous paraît pas très sérieux, non ? Pas très, non. D'ailleurs, l'enquête judiciaire qui s'ensuivra ne débouchera sur rien. Toutefois, c'est troublant de voir autant de bons esprits dénoncer la synarchie et donc, en fait, légitimer du même coup son existence. Ben oui, mais comment procède-t-il Tous ces gens accumulent, non pas des preuves, ils n'en existent pas, mais des faits qu'ils relient entre eux. Et ils procèdent ainsi à une véritable réécriture de l'histoire. Cette histoire qui ne s'expliquerait, selon eux, que par l'intervention de la synarchie dans les affaires de notre pays, mais aussi du monde entier. Ah oui. Car le complot est évidemment international, comme le sont les trusts les plus puissants qui sont à son origine. Oui. Tout ça est très spécieux. Hein. Et lorsqu'on reproche à ces auteurs de ne pas apporter de preuves, ils répondent avec la plus grande bonne foi qu'ils ne le peuvent pas, puisque la synarchie est une société clandestine qui défend jalousement ses secrets et menace même de mort ceux qui seraient tentés de les dévoiler. Donc, si je vous comprends bien, pour eux, l'action de la synarchie, c'est une tentative d'explication globale de la marche de l'histoire. Tout ça, oui. Et on ne peut rien comprendre aux affaires du monde si on ne tient pas compte de l'existence occulte de la synarchie. Est-ce que le climat de l'après-guerre peut expliquer, sinon légitimer cette croyance ? C'est certain. Nous en avons déjà parlé ensemble, mais la brève existence de la 4e République va être marquée par toute une série de complots. Oui, des complots d'extrême droite, surtout. Oui, oui. Certains sont assez fantaisistes, d'autres sont plus sérieux. Et ça se terminera par le coup du 13 mai 58. Mais on y viendra un peu plus tard, si vous me permettez. Parce que là aussi, là, en 58, on peut voir la main de la synarchie. Un petit peu de patience. Alors c'est vrai que dans cette atmosphère conspiratrice, il est tentant de voir l'existence d'une société secrète qui manipulerait tous ces comploteurs, dont beaucoup sont d'ailleurs d'anciens cagouleurs, il faut le noter. Mais rapidement, à couche, tout du moins, on cessera d'accuser la synarchie. Par contre, une partie de l'extrême droite, comme sous Vichy, va à nouveau faire de la synarchie sa bête noire. Retournement du balancier. Oui, c'est étrange de constater comment les gens de l'époque se jettent la synarchie à la figure. Quels sont les arguments développés par cette extrême droite où j'imagine on va retrouver le célèbre docteur Martin? Il ne pouvait pas en être autrement. Alors faisons une petite parenthèse. Nous avons quitté Martin, dit le Bib, en 1942, au moment où Pucheux avait pris contre lui une mesure d'internement. En 1944, après le débarquement, et alors que la France n'est que très partiellement libérée, Martin s'évade et il rejoint aussitôt la résistance. Pour faire oublier son passé ? Non. Le docteur Martin est certes viscéralement anti-républicain et même malheureusement antisémite, mais c'est un patriote sincère. Et il va jouer un rôle important dans la libération de Lyon, par exemple. La suite est plus intéressante. C'est-à-dire la suite ? Il approche les services de renseignement américains. L'OSS, c'est oui, ça ? Oui, et il va travailler quelques mois pour eux. C'est vrai que c'est en quelque sorte un spécialiste. Et il effectue plusieurs missions de renseignement en Allemagne. Des missions parfois dangereuses et qui donnent entièrement satisfaction à ses employeurs américains. Et si vous voulez mon avis, Martin a noué là des contacts qu'il ne rompra jamais. Vous voulez dire qu'il continuera à collaborer avec les services américains ? C'est très possible. Et ensuite alors ? Dès la fin de la guerre, Martin reprend ses activités coutumières, il recommence à faire des fiches. Des fiches de renseignement ? Oui, il a constitué son petit réseau d'informateurs, ce qu'on va désormais appeler la Maison Martin. Et comme avant-guerre, il s'intéresse essentiellement à la pénétration communiste et soviétique dans notre pays. Et le personnage étant bien connu et apprécié des services français, il n'hésite jamais à communiquer ses précieuses informations lorsqu'on lui demande. C'est une sorte d'agent, non ? Parfaitement. Et quand en 1948, il doit répondre de ses activités de cagoulard devant la justice, il passe sans difficulté à travers les mailles du filet. C'est-à-dire grâce à ses relations dans les services secrets. Naturellement. Et la police veillera à ne pas l'arrêter. Alors même qu'il fait l'objet d'une surveillance permanente des renseignements généraux. Attends, pourquoi là ? Il a recommencé à comploter ? Évidemment. Il a repris contact avec ses amis de la cagoule. Et il est à l'affût de tout ce qui pourrait précipiter la chute de cette république qu'il aborde. Justement, le projet de création de la CED, la Communauté Européenne de Défense, va lui donner l'occasion d'un nouveau combat. Car pour Martin, il ne fait nul doute que ses promoteurs qui veulent sacrifier la souveraineté française en matière militaire ne peuvent être que des synarques. Pour son livre « Le mystérieux docteur Martin », Pierre Péan a consulté des archives américaines. Une note des services secrets datée de juillet 1944 montre que les Américains prenaient l'affaire de la synarchie très au sérieux. En voici quelques extraits. Quelques-uns des plus vieux et plus fidèles supporters du général de Gaulle sont préoccupés par ce qu'ils appellent une tendance à laisser la synarchie pénétrer même les plus hauts niveaux de l'administration d'Alger. On pense que jusqu'à une époque récente, le général de Gaulle était opposé à la synarchie, qui est un mouvement très réactionnaire financé par la Haute Banque. Il a même commandé une étude confidentielle sur le sujet. Une copie de celle-ci a été lue par des officiers américains, mais depuis sa divulgation n'est pas assez connue. Notre informateur prétend que, si le général de Gaulle n'a pas changé d'état d'esprit à l'égard du mouvement, quelques personnes qui l'entourent sont connues en revanche pour avoir adhéré à la synarchie. C'est ainsi que Dithelme, le ministre de la guerre, le colonel Passy et le commandant Pélabon figurent parmi les personnalités les plus connues. Un récent rapport confidentiel a été préparé par ces vieux gaullistes sur la pénétration du groupe dans l'administration d'Alger. L'ouvrage de Pierre Péan a été récemment réédité au Livre de Poche. Alors pour Martin, docteur Martin, communauté européenne de défense et synarchie, même combat. Oui, oui. Et comme à son habitude, Mephisto, comme on l'appelle aussi, se remue, prend des contacts à droite et à l'extrême droite, rencontre des officiers des anciens combattants, dénonce les traites du Quai d'Orsay, suscite la publication de brochures et essaie enfin de regrouper autour de lui tous les gens qui veulent en finir avec la 4e République. Oui, l'agitation, ça. Sans doute. Mais il y a en germe une partie des ingrédients qui, une fois mélangés, permettront la réussite du coup du 13 mai 58. Et le docteur Martin y prendra une part notable. Alors, quels sont les arguments de l'extrême droite pour ressusciter le fantôme de la synarchie, m'avez-vous demandé, avant que je ne vous parle de Martin? Mais l'extrême droite, il faut le dire, qui a toujours eu tendance à voir des complots partout. Bien sûr. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Ces gens-là ont toujours été persuadés que des forces occultes menacent notre pays. Il y a le communisme, évidemment, mais pas seulement. Les multinationales sont aussi désignées. Ce qui est en cause pour ces extrémistes, c'est la décadence de la nation française. Une décadence qui est donc orchestrée par les puissances d'argent, les technocrates et tous les mondialistes. On parle déjà de mondialisation ? Le mot n'a pas encore été inventé, mais on évoque en effet une idéologie mondialiste qui aurait pour but la dissolution progressive de l'identité française et finalement la ruine de la France. Ouais. J'imagine que l'abandon progressif de nos colonies va jouer un rôle dans le développement de cette thèse. Naturellement, c'est la France qu'on liquide peu à peu. Et Martin et ses réseaux ne vont pas se priver d'infiltrer des mouvements comme la puissante association des combattants de l'Union française. En fait, mon frère, vous l'avez compris, tous ces gens-là rêvent de reconstituer une nouvelle cagoule. La défaite française en Indochine, puis les événements d'Algérie vont leur permettre d'aboutir. L'objectif étant d'aboutir à un coup d'État. Bien entendu. Et comme avant-guerre, il faut donc créer une véritable organisation clandestine politico-militaire. Et le docteur Martin s'y attelle avec la passion qu'on lui connaît. Ce sera le présidium, puis ce que les conjurés appelleront, pour une raison que j'ignore, le grand O. Le grand O. Oui. Lorsque la contre-révolution aura gagné, on créera, c'est très intéressant, un comité de salut public. Oui, c'est une appellation qui sera reprise à Alger en mai 58. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard. D'accord. Ce comité devra ensuite désigner un directoire politico-militaire qui mettra en place un état corporatif. Comme à Vichy. Oui. Et on s'attaquera en priorité aux communistes et plus généralement à l'imprégnation marxiste dans tous les cercles de la société. À l'école surtout, cette école sans Dieu qui pervertit les enfants. Et naturellement, les francs-maçons ne seront pas oubliés. Et la synarchie dans tout ça, elle n'a jamais quitté l'esprit du docteur Martin. Et il va en persuader tous ceux qu'il recrute. La lutte contre les défaitistes, les capitulars, les bradeurs d'empire, c'est d'abord la lutte contre la synarchie. Comment se met en place la conjuration ? Le fer de lance militaire, c'est cette association des combattants de l'Union française dont je vous ai parlé. Elle est alors dirigée par un jeune sous-officier très entreprenant, un ancien Indochine, Yves Gignac, et regroupe entre 30 et 40 000 adhérents. On rencontre à son siège des hommes politiques issus du RPF. Les gaullistes, hein ? Oui. Mais on y croise aussi beaucoup d'officiers supérieurs toujours en activité, c'est très pratique. Et pour le recrutement. Bien entendu. C'est ainsi que grâce à Gignac, qui travaille la main dans la main avec le docteur Martin, se met en place un véritable processus d'infiltration de l'armée. Le but, c'est de créer des antennes dans chaque régiment, chaque caserne. Et ces militaires, alors, acceptent d'être recrutés ? L'armée, humiliée par les défaites en Indochine, travaillée par des officiers qui refusent un nouvel abandon en Algérie, est susceptible d'être tentée par l'aventure. Mmh. Des officiers prestigieux, comme le maréchal Juin même, si ce dernier refusera de s'engager, considèrent avec beaucoup de sympathie l'action entreprise par ces néo-cagoulards. Et les civils ? Le présidium bénéficie d'un certain nombre de soutiens. essentiellement dans les organisations professionnelles, routiers, petits patrons, artisans, agriculteurs. Ouais. Ce qui va constituer au fond le fonds de commerce du poujadisme. Exactement. Et comme au temps de la cagoule, les conjurés s'assurent de la complicité d'un certain nombre de fonctionnaires qui, au jour J, seront chargés de couper l'électricité de la capitale ou encore de paralyser la circulation en bloquant tous les feux rouges. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'Algérie. C'est évidemment là qui doit être le plus facile de recruter des sympathisants et même des acteurs. Ah, c'est un terreau évident pour les conspirateurs. Non seulement Martin et ses amis infiltrent les unités armées qui combattent là-bas, mais ils vont attirer à eux de nombreux partisans du maintien à tout prix de la France en Algérie. L'un d'entre eux en particulier va prendre une place éminente dans le complot. Qui ? Un jeune colon de la Métidja, Robert Martel. Ah, ouais. Un exalté mystique et royaliste, une sorte de chouan qui est persuadé que Dieu et le Sacré-Cœur sauveront la France et restaureront la monarchie. Peut-être un peu naïf ce Martel, non ? Très naïf, et donc facilement manipulable. Il croit, ou on l'a fait croire, que le FLN algérien est une pure création du gouvernement français et des capitalistes étrangers qui veulent mettre la main sur le pétrole saharien. Ah. On se rapproche de la synarchie, là. Hein. Ouais, en effet. Et instruit par le docteur Martin, Martel ne doutera pas un instant de l'existence de la synarchie. Ça correspond tellement à tout ce qu'il croit, quoi qu'il en soit, ce qui intéresse le Présidium, qu'on n'appellera plus désormais que le Grand O. C'est que Robert Martel a créé l'UFNA, Union Française et Nord-Africaine. C'est un mouvement Algérie-Française. Oui, un mouvement qui va attirer de plus en plus de pieds noirs au fil des mois et des années, et qui va aussi posséder l'organisation paramilitaire forte de plusieurs dizaines de militants. Une aubaine pour les comploteurs du Grand O. Naturellement, et Martel, sans aucune difficulté, rejoint donc la Maison Martin. Là, ça commence à faire beaucoup de monde. Effectivement. Et aucune fuite, aucune imprudence ne suscite la méfiance de la police ou des services secrets ? Bien sûr que si. Tous les comploteurs ne sont pas aussi professionnels que le docteur Martin. Des conspirateurs se sont laissés aller à des bavardages, d'autres ont trahi. Mais la police, c'est très clair, ne cherche pas à savoir. Et les renseignements généraux minimisent le danger que représente le Grand O. À dessein ? Pourquoi pas. Et les services secrets, alors ? Le SDEC ? Bon, ce n'est pas de sa compétence. En outre, je vous ai dit que Martin avait ses entrées à la piscine. Et son gendre, Pierre de Villemarais, un ancien agent du SDEC, rend de précieux services en s'engageant physiquement dans la lutte contre le FLN. Ce qui veut dire ? Villemarais organise avec succès des attentats contre des dirigeants de l'organisation rebelle. Et puis nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Au SDEC, qui a beau être dirigé par un socialiste, on est franchement Algérie française. Non, ce serait plutôt à la DST d'agir. Mais le patron, Roger Vibault, observera avec beaucoup de sympathie le coup de mai 58. Ouais, donc on ferme les yeux. Oui, le plus souvent possible. On surveille à distance. Et de temps en temps, lorsque les conspirateurs font preuve d'une trop grande imprudence, on tire un coup de semonce. Ainsi qu'en 1957, Martin et Martel seront tous les deux embastillés. Mais pour peu de temps, je vous rassure tout de suite. Au contraire, moi je trouve pas ça très rassurant. Moi non plus. Bref, les activistes du Grand O, ces néo-cagoulards, n'ont donc pas trop mal ficelé leur affaire. Mais ils se trouvent devant une difficulté de taille. Il leur faut trouver un chef. Un homme qui incarnera la contre-révolution le moment venu. Un militaire ? Oui, Martin tient à demeurer dans l'ombre. Quant à Robert Martel, il n'a pas la carrure. Les cagoulards ont pensé un moment au président de la FNSEA, qui était de tout cœur avec eux. Mais c'était une fausse bonne idée. Alors ils doivent convaincre un général à plusieurs étoiles. Juin, je vous l'ai dit, se récuse. Salan est approché, mais prudemment, il s'esquive. Oh, il n'y aura pas la même prudence lors du putsch de 61. Hein. C'est vrai. Alors, qui sera donc le grand A du grand O, comme ils vont bientôt désigner leur chef ? Robert Martel, le chouan de la Métidja, l'animateur de l'Union française et nord-africaine, a été très influencé par le docteur Martin, mais il a été précédé par une femme étrange, Rolande Renoux, qui tenait à Alger une librairie consacrée à l'occultisme. Librairie qui servait aussi de lieu de rendez-vous des confréries mystiques et des comploteurs de tout poil. Christophe Nick, dans son livre « Résurrection » consacré au 13 mai 58, décrit ainsi l'initiation de Robert Martel. « Je l'initie au père de Foucault », raconte Rolande, « le Christ-Roi. Je lui ai prêté le livre « Malédiction et bénédiction » qui lui a ouvert les yeux. Martel ne s'en sera jamais remis. Cette sorte de prédiction à la Nostradamus qui annonce le retour d'un roi en France, il va totalement s'en pénétrer et passera le reste de sa vie habité, hanté par cette révélation qui donne enfin un sens à son existence. » Il faut se représenter notre agriculteur tombant d'un coup sur cette femme habillée en sarouale, la mitraillette au poing, priant vers la Mecque avec les derviche et implorant les diverses réincarnations de Shiva, déesse hindoue de la guerre et de la mort. L'homme s'est laissé guider puis soumettre par elle, autant par mysticisme que par fascination, voyant en elle une sorte d'archange venu lui apporter la vérité. « Je l'ai initié aux choses spirituelles », explique encore Roland Renou. « La contre-révolution, toujours, dans mon esprit, il fallait relier l'Europe et l'Afrique pour éloigner les deux monstres, le communisme et le capitalisme. » Le livre de Christophe Nick a été publié chez Fayard. Alors, qui va être le grand A du grand O ? Ben, le choix se fait donc par défaut, puisque ni Juin ni Salan ne veulent apparaître. Ce sera Cherrière, un gros général, qui avant-guerre a déjà appartenu à la branche militaire de la cagoule. Alors qu'il était commandant des troupes françaises en Algérie, il a démissionné de l'armée en 1955 parce qu'il trouvait le nouveau gouverneur Jacques Soustelle trop tiède. Eh ben, au moins, celui-là, sur le plan politique, il a le profil. Hein. C'est juste. Mais vous allez le voir, sur le plan psychologique, il en allait tout autrement. En tout cas, dès qu'il devient le grand A, avec l'aide de son adjoint, un autre général, Chassin. Ah ben, c'est le grand B, lui. Exactement. Donc, Cherrière et Chassin mettent au point le scénario militaire du coup d'État. On est alors fin 57, début 58. Les deux généraux contactent leur père, qui commande des régions militaires, et plusieurs basculent en leur faveur, en particulier le général Miquel, qui est à la tête de la 5e région, celle de Toulouse. Hey, c'est là où se trouvent basés les paras. Oui, mais à Lyon, à Bordeaux et aussi à l'école de guerre, d'autres généraux acceptent d'accorder leur concours aux futurs putschistes. Je vous passe les détails du plan, ce n'est pas très important. Sachez simplement qu'il prévoyait que tout commencerait à Alger, où Cherrière, avec le concours de l'armée et des hommes de Robert Martel, prendrait le pouvoir. Puis la métropole s'embraserait à son tour et Paris tomberait. Mais est-ce qu'ils avaient prévu la réaction quand même des forces de gauche là ? Ah, ils espéraient même que les communistes descendraient dans la rue pour mieux les réprimer. Mais il y a un élément qu'ils avaient oublié ou qu'ils n'avaient tout simplement pas prévu, c'était qu'ils n'étaient pas les seuls à comploter. Il y avait aussi les gaullistes. Ouais, donc, est-ce qu'il existait des liens entre les deux complots ? Bien sûr. Des hommes conspiraient parfois dans les deux camps à la fois. Ah, oui. Et le scénario imaginé par les uns et par les autres était à peu près le même. Mais le 13 mai 58, ce sont les gaullistes qui ont été les plus malins et le grand O s'est fait souffler son complot. Ouais. Et effectivement, parce que du balcon du gouvernement général, Salan, malgré lui peut-être, a prononcé le nom du général de Gaulle sous les applaudissements de la foule. Ah, dès lors, les amis du docteur Martin avaient perdu. Mais c'est aussi qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval. Cherrière, oui, ça. Au dernier moment, le gros général s'est dégonflé. Et il a préféré le confort de son pavillon de banlieue à l'aventure algéroise. Alors le docteur Martin a été floué. Et lui, qui était déjà très anti-gaulliste, va redoubler ses attaques contre le général, ce qui lui vaudra d'ailleurs un nouveau séjour en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Car le BIB ne renonce pas à comploter, il va même créer une section OAS en métropole. Il n'hésitera pas non plus à affirmer le plus sérieusement du monde que De Gaulle est, sinon un initié de la synarchie, du moins un homme qui agit sous l'influence de celle-ci. Oui, par conséquent, selon lui, c'était la synarchie qui gouvernait à travers le général De Gaulle. Tout à fait ça, oui. Mmh. Pour Martin, De Gaulle n'était pas libre. La technocratie gaulliste est infiltrée par les synarques. Il n'est pas inintéressant de noter que peu de temps après le retour du général, des bombes éclateront devant le siège de plusieurs grandes banques, dont la banque Worms, accusée sous l'occupation d'être un nid de synarques. Mmh. Et dans la période plus contemporaine, alors, se trouve-t-il toujours des gens qui pensent que la synarchie est toujours présente ? C'est certain. Et ces hommes qui se situent aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite sont persuadés qu'un certain nombre d'organisations internationales sont manipulées par la synarchie. Et lesquelles alors ? Bon, toutes les organisations à vocation mondialiste, la trilatérale. Mais rappelez-moi ce que c'est déjà. C'est la réunion régulière de dirigeants et de responsables économiques d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Certains y ont vu une manifestation synarchique. Bon, j'imagine que c'est absurde. Parfaitement absurde, parce que ces réunions n'ont jamais rien eu de secret. Autre organisation internationale suspectée d'être synarchique ? Le fameux forum de Davos que les militants anti-mondialisation contestent régulièrement. Attends, rassurez-moi, la José Bové ne croit tout de même pas que Raymond Barre, qui fréquente assidûment ce forum de Davos, est un synarque, non ? Non, José Bové est plus intelligent que cela, enfin je le pense. Mais c'est vrai qu'il existe toujours la tentation, et surtout en période de crise, quand les choses vont mal, de croire que des forces occultes agissent en secret. De ce seul point de vue, le mythe de la synarchie a beaucoup servi. Et en somme, les technocrates de Vichy ont aujourd'hui été remplacés par les énarques. Les critiques qu'on leur adresse sont de même nature que celles qu'on adressait autrefois aux amis polytechniciens de Jean Coutreau. Ah, ben c'est bien une des premières fois que je vous entends prendre la défense de l'anarchie. Hein. Parce que je pense qu'il y a des critiques trop faciles. Si les énarques ont aujourd'hui trop de pouvoir, c'est que nous l'avons bien voulu. Oui, peut-être. Alors, quittons l'énarchie pour la synarchie. Fondamentalement, alors, vous pensez qu'elle n'a jamais existé ? Ça me paraît évident. Et pour comprendre comment est né le mythe, il faut remonter à la genèse de cette affaire. C'est sous le régime de Vichy que les accusations contre la synarchie vont être les plus violentes. Les ministres technocrates sont montrés du doigt. La banque Worms est accusée. Des documents mirobolants comme le fameux pacte synarchique sont publiés. Un faux. C'est certain. Ouais. Qui attaque la prétendue synarchie ? Les collabos les plus notoires, les plus extrémistes, qui sont pour la plupart d'anciens cagoulards, des gens qui réclament à cor et à cri le départ du chef du gouvernement, l'amiral Darlan, et le retour de Pierre Laval évincé en décembre 1940. Or, c'est seulement 6 mois après le départ de ce dernier que l'affaire de la synarchie éclate. Intéressant, non ? Parce que vous pensez que Pierre Laval aurait pu téléguider cette manipulation ? J'en suis persuadé, oui. Lui, enfin, ou son très proche entourage. Enfin, c'est la même chose. Le soi-disant pacte synarchique a été inventé de toutes pièces à partir de cette vieille lune inventée par le marquis Saint-Yves d'Alvèdre et par l'intermédiaire des collabos qui travaillaient donc dans les services qui traquaient les sociétés secrètes. Il est parvenu opportunément dans les mains du docteur Martin. Avec Méphisto, comme l'on le surnommait toujours, on ne pouvait trouver de meilleurs vecteurs pour propager la rumeur du complot. Parce que ce comploteur né, hein, comme vous l'avez décrit, lui, il était naturellement porté à croire à l'existence d'une organisation clandestine et conspiratrice. Exactement. Il était convaincu, lui. Et il a mis tout son talent à faire partager sa croyance. Je vous rappelle que c'est lui qui a convaincu Pétain de la pseudo-machination synarchique. Et notez-le bien, dès le mois d'avril 1942, Laval reviendra au pouvoir. Ah, mais la manipulation a donc fonctionné, alors. Oui, mais ce que ses auteurs n'avaient sans doute pas prévu, c'est qu'elle aurait une descendance aussi prolifique qu'imaginaire. Roger Faligo et Rémi Koffer ont publié chez Fayard en 1995 un livre intitulé « Le marché du diable ». Ils y parlent longuement de la synarchie à laquelle eux non plus ne croient guère. Mais, comme l'a dit M. X, certains persistent à penser qu'elle est toujours vivante. Par exemple, un nommé Henri Coston qui fit carrière sous Vichy et écrit ceci en 1977. La commission trilatérale, créée en 1973 par le banquier américain David Rockefeller, de la richissime famille bien connue, est une organisation internationale de financiers, d'hommes d'affaires et de politiciens qui cherchent à prendre en main les destinées du monde occidental et du Japon. Regroupant les hommes qui comptent, du moins ceux qui sont jugés capables de comprendre un grand dessein et de travailler à sa réalisation, elle entend se servir du système démocratique pour arriver à ses fins, mais elle estime que les démocraties occidentales tendent à devenir ingouvernables. Et je vous rappelle, signé également par Rémi Koffer, la parution au Seuil d'un livre indispensable sur l'histoire de l'OAS. Une anecdote pour finir. Après la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'enquête judiciaire sur la synarchie, le maréchal Pétain est interrogé dans sa cellule. Et voici ce qu'il répond, non sans humour, au magistrat. Quand quelque chose marchait mal à Vichy, on me soufflait, c'est un coup de la synarchie. Il pleut, c'est la synarchie. Dites, monsieur le juge, vous savez ce que c'est, vous, la synarchie ?